إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من أجل نعم الله تعالى علينا أن هدانا لنعمة طلب العلم وتعلمه فهو أيسر طريق للوصول للجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم فلتلهج ألسنتنا بشكر نعمة العلم والتعلم والتعليم يقول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وجعل كل من في السماوات والأرض يدعون بالمغفرة والرحمة لمعلم الناس الخير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وصححه الألباني عباد الله لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا العلم فقال سبحانه وقل ربي زدني علما وما ذاك إلا لما للعلم من أثر إيجابي في حياة البشر فالعلم شرف لا قدر له ولا يجهل قدر العلم وفضله إلا الجاهلون وطلب العلم خير ما بذلت فيه الأعمار وأنفقت فيه الساعات قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم وتحصيل العلم النافع من الصدقة الجارية للإنسان بعد مماته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عباد الله إن الله تعالى رفع شأن العلم وأهله ورفع منزلتهم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن أهل العلم وجعلهم ورثة الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد وصححه الألباني. ولذا فإن الواجب على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم، وأن يعرف لهم مكانتهم، وينزلهم منازلهم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وحسنه. والعلماء هم القادة لسفينة النجاة، والرواد لساحل الأمان، والهداة في دياجير الظلام. يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعند وقوع الفتن واشتداد المدلهمات يرجع الناس إلى العلماء. يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في علمائنا ومعلمينا، وأن يوفقنا لحسن الاستفادة منهم، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وأستغفر الله لي ولكم ولهم ولوالدينا ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, réservez-vous d'Allah. Et sachez que parmi les plus grandes grâces que Allah Azza wa Jal nous a fait, c'est de nous avoir guidés à la grâce de la quête du savoir et de l'apprentissage de la religion. Parce que c'est le chemin le plus facile pour aller jusqu'au paradis ou pour obtenir le paradis. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: quiconque emprunte un chemin dans lequel il cherche la science, Allah Azza wa Jal va lui faciliter par ce chemin un chemin vers le paradis. Alors, c'est à nous de remercier Allah Azza wa Jal pour cette grâce de la connaissance et du savoir et de l'apprentissage et de l'enseignement, et d'être de plus en plus reconnaissant envers Allah pour ses grâces. Puisque Allah Azza wa Jal, il nous dit ce qui signifie que si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter en grâce. Mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est dur. Et donc, parmi les exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet du mérite de la science et du mérite des hommes de science et des ulama de l'islam, il mentionne que certes Allah et ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, même les fourmis dans leurs trous, ainsi que les poissons dans la mer, invoquent pour le bien, pour celui qui enseigne aux gens le bien. Et Allah Azza wa Jal n'a ordonné à son messager de demander rien de, en plus de quoi que ce soit dans ce bas monde, excepté de lui donner plus de science. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans ce, dans le verset justement à ce sujet, il dit, ô Muhammad, mon Seigneur, augmente-moi en science. C'est-à-dire, fais-moi croître, fais-moi augmenter en connaissance et en savoir. Et la raison de ça, c'est parce que la science a un impact extrêmement positif dans la vie de l'être humain. Et quand on parle de la science, bien entendu, on parle en premier de la science qui t'aide à connaître Allah, qui t'aide à connaître Allah, à connaître ses noms, à connaître ses attributs, à connaître ses actions, et à connaître également son messager, et à connaître sa religion et les règles de sa religion, à connaître les adorations et les conditions et les règles, et à connaître les adorations, comment les accomplir de façon correcte, à connaître le tawhid et l'unicité d'Allah, et à connaître les règles de fiqh, à connaître le halal et le haram. Ces connaissances-là sont les connaissances les plus importantes pour l'être humain. Et les autres connaissances peuvent être bénéfiques également, parmi les connaissances de la dunya, mais elles ne peuvent pas être comparées à l'importance de la connaissance de la religion d'Allah. Parce que si un être humain ignorait toutes les sciences de la dunya, mais qu'il connaissait la science de la religion, et qu'il connaît comment adorer Allah, et comment se rapprocher de lui, il rencontrera Allah au jour de la résurrection, alors que Allah sera satisfait de lui. Tandis que s'il a appris toutes les autres sciences de ce bas monde, mais qu'il est ignorant de sa religion, eh bien, comment il va faire pour obtenir l'agrément d'Allah? Comment il va faire pour satisfaire son Créateur alors qu'il ne sait même pas ce que Allah Azza wa Jal veut de lui? Et il ne connaît même pas son Créateur. Et il ne connaît même pas les règles de sa foi et de sa religion. Comment est-ce que Allah pourrait être satisfait de lui alors s'il est dans cet état-là? Il faut donc comprendre que la science, elle a une valeur immense et une noblesse. Et il n'y a personne qui ignore la valeur de la science, excepté les ignorants. Les ignorants ne connaissent pas la valeur de la science. Ceux qui connaissent cette valeur-là, c'est ceux qui ont la science, ou ceux qui aiment la science. Et donc, de chercher le savoir, de chercher et de partir à la quête du savoir, c'est la meilleure chose dans laquelle quelqu'un peut dépenser sa vie. Si tu pars toute ta vie à la quête de la connaissance de ta religion, pour connaître Allah et connaître sa religion, ça c'est la chose la plus importante que tu peux faire dans toute ton existence. Parce que c'est la raison pour laquelle Allah t'a créé. Allah, il nous a créé pour l'adorer. Et c'est le but ultime de notre existence. C'est pour ça qu'il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et donc, il nous a créé pour l'adoration. Et le reste doit être également pour l'adoration. C'est-à-dire que on doit vivre pour adorer Allah. Et si on travaille, c'est pour nous aider à adorer Allah. Et si on dort, c'est pour nous aider à adorer Allah. Et si on mange, c'est pour nous aider à adorer Allah. Et si on gagne de l'argent, c'est pour nous aider à adorer Allah. C'est de cette façon-là que le croyant doit voir la vie. Et non pas le contraire. Hein? De travailler, on vit pour travailler, on vit pour manger, on vit pour dormir. Non, c'est pas pour ça. Allah nous a pas créé pour s'amuser, pour dormir, pour manger, hein, pour se reproduire. Parce que ça, c'est qu'est-ce que font les animaux, hein, et les bestiaux. Mais l'être humain, lui, Allah Azza wa Jal lui a donné quelque chose de plus. Il lui a donné la fitra, il lui a donné la connaissance. L'ouïe, la vue et la raison pour voir, pour analyser, pour comprendre. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il doit chercher la science et il doit apprendre sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce sujet-là, la dunya, elle est maudite. Ce bas monde, il est maudit. Et tout ce qui est dedans est maudit. Excepté le rappel d'Allah et ce qui s'ensuit, ainsi que le savant et l'élève. Le savant, c'est-à-dire celui qui a la science, qui a la connaissance, et celui qui apprend. Ça, c'est pas maudit. Mais le reste, oui. Puisque le reste, ça ne sert à rien. Et comme les ulama, ils ont dit, tu dois voir ce bas monde comme si c'était un champ de labour. Cette dunya, c'est un champ. Tu sèmes les graines, et dans l'au-delà, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, c'est de cette façon que tu dois voir la dunya, et non pas d'autre façon. Et si tu restes ébloui par ce que Allah Azza wa Jal a donné à certaines de ses créatures, des parures de ce bas monde, des maisons de luxe et des voitures de luxe, hein, et la vie d'extravagance et de luxe, et que c'est ça qui t'intéresse, et c'est à ça que tu aspires dans ton existence, et que tu oublies le vrai but pour lequel Allah t'a créé, et la raison de ton existence, et qu'il y a un au-delà qui nous attend, eh bien, c'est normal que tu vas t'égarer. C'est pour ça que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla, il dit, ne te laisse pas éblouir par les parures qu'on a données, hein, à ceux qui sont perdus dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla, il leur donne cela juste pour les égarer encore plus. Et également, la science bénéfique, c'est parmi les choses qui vont continuer à profiter une personne, même après sa mort. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, excepté trois. La première, c'est une sadaqa jariya, une sadaqa que tu as faite. Et cette sadaqa, elle continue à profiter les gens, même après la mort. Alors tu continues à avoir les récompenses pour ça. La deuxième, c'est une science qui profite les gens. Donc tu leur as laissé une science et ils vont profiter de cette science-là même après ta mort. Tu continues à gagner des récompenses pour ça même après ta mort. Et la troisième, un enfant pieux qui fait des invocations pour toi et qui fait des doigts pour toi parce que tu l'as bien éduqué. Tu lui as enseigné la foi. Et donc lui, il est reconnaissant envers Allah et il fait des doigts pour son père, pour ses parents. Alors ça, c'est une sadaqa jariya aussi. Ton enfant devient une sadaqa jariya pour toi. Et donc ça, c'est pour montrer l'importance du savoir et de la science de la religion. Et Allah Azza wa Jal, il élève les hommes de science en degré et en valeur et en récompense. Et il mentionne dans le Coran ce qui signifie que Allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux à qui il a donné la science, il les élève en degré. Et il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que le mérite du savant sur l'adorateur, c'est-à-dire c'est celui qui fait beaucoup d'adoration mais qui a peu de science par rapport au savant, qui a beaucoup de science et qui fait peut-être même moins d'adoration que l'adorateur, mais qui fait tout de même ses adorations. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son mérite et son excellence est comparable à l'excellence de la lune lorsqu'elle est pleine par rapport aux autres étoiles. Et la lune, quand elle est pleine dans la nuit, dans le ciel, quand elle brille, elle efface toutes les autres. Toutes les étoiles et tous les astres, on les voit plus. On ne voit que elle. Donc c'est pour montrer la valeur du savant par rapport à l'adorateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que les savants de la religion, ce sont eux les héritiers des prophètes. Et il dit que les prophètes, hein, ils n'ont pas laissé en héritage de l'argent. Ils ont laissé en héritage la science. Alors celui qui a pris la science, il a été l'héritier du prophète. Et on a tous la capacité et le potentiel de devenir des héritiers des prophètes si on met l'effort nécessaire et si on fait hein, le sacrifice, d'essayer d'apprendre. Et même si on apprend juste un peu, Allah Azza wa Jal, il met la baraka dans cette science et dans cet effort qu'on a fait. Hein? Donc c'est à nous de faire l'effort pour devenir des héritiers des prophètes. Bien entendu, on n'a pas tous le même héritage. Certains ont un héritage plus grand que d'autres. Mais même si tu apprends un hadith, ou même si tu mémorises une petite sourate, ça fait partie de l'héritage. Et plus tu en prends de l'héritage, plus tu es gagnant. Si tu le mets en pratique et si tu l'enseignes aux autres. Et donc c'est obligatoire pour nous, par conséquent, de reconnaître le mérite des hommes de science et de respecter les ulamas, en particulier les ulamas de la sunna et ceux qui défendent la sunna et qui luttent pour élever la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voix des sahaba, et non pas les gens qui sont sur l'égarement ou la bid'a et qui défendent la bid'a et qui combattent la sunna et qui se prétendent ou qui prétendent être des savants. Parce que la valeur du savant, elle est proportionnelle à son attachement au Coran et à la sunna et à la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus le savant s'accroche au Coran et à la sunna et à la compréhension des salafs, plus sa valeur s'élève. Plus il fait des sacrifices dans ce chemin, plus Allah Azza wa Jal l'élève en grade. Et plus il s'éloigne de la sunna, et plus il tombe dans des bid'ahs, plus son degré diminue, et plus qu'il s'égare. Même s'il a beaucoup de connaissances, mais sa connaissance n'a aucune bénédiction, parce qu'il n'a pas préservé la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout ça, c'est pour nous enseigner le respect des hommes de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ma umma, ils ne font pas partie de ma umma ceux qui ne respectent pas les grands, les plus âgés, et qui ne sont pas miséricordieux envers les petits, et qui ne reconnaissent pas le droit de ces savants. Et Allah Azza wa Jal, il a donc établi les ulama comme étant les responsables, les dirigeants de cette umma. Et c'est à eux de veiller, hein, comme les capitaines d'un bateau. Le alim, c'est le capitaine d'un bateau. Et c'est lui qui doit veiller à ce que la traversée soit, hein, bien. Et qu'il n'y ait pas de danger, de vagues, de d'égarement, de se perdre. Et si le bateau, il n'a plus de capitaine, eh bien, il va à la dérive. Et c'est ça ce qui arrive aux musulmans lorsqu'ils ne connaissent pas leur ulama. Tu les vois, mais ils s'en vont dans n'importe quelle direction. Ils s'en vont dans n'importe quelle direction. Ils savent plus où aller. Ils savent même pas qui sont les ulama de cet homme. Et ça, c'est très grave, parce que Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de revenir aux ulama et de reconnaître leur importance et de leur poser les questions lorsqu'on n'a pas la connaissance. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et donc c'est très important de les connaître, les ulama, et de les respecter, et de les aimer pour Allah, et de les aimer pour la science qu'ils ont, et les sacrifices qu'ils ont faits pour cette umma, pour Allah et pour cette umma, dans le sens que ils ont pris tout leur temps, leur argent, leur effort pour apprendre cette religion dans le but de nous éclairer le chemin. Hein, et dans le but de, bien entendu, de s'éclairer pour eux-mêmes en premier, puis ensuite de guider les autres. Et parmi nos grands ulama dans cette umma, je vous énumère quelques-uns pour que vous puissiez les connaître, au moins entendre leurs noms. Et lorsque vous cherchez des fatwas sur internet, cherchez pour ces noms-là. Ça, c'est des savants dignes de confiance, des ulama de la sunna qui s'accrochent au Coran et à la sunna et à la compréhension de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et prenez garde aux têtes de l'égarement qui égarent les gens et qui souvent, lorsqu'on fait des recherches sur Internet, sortent en premier dans les réseaux sociaux. Ce sont des vedettes de l'islam, mais ce sont des ignorants dans la religion et des gens de la passion. Ce ne sont pas des ulama. Donc faites attention à ces gens-là. Et parmi les grands ulama, et on va terminer cette khutbah avec ça, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Et si j'ai l'occasion, dans d'autres khutab, je vais vous faire la biographie de chacun d'entre eux, pour que vous connaissiez qui ils sont, pour que vous sachiez qui ils sont, et le mérite de ces hommes-là, et les sacrifices qu'ils ont faits dans cette religion, et les efforts qu'ils ont faits dans la science. Donc, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, Cheikh Ahmed al-Najmi, Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, Cheikh Salih al-Sheikh, Cheikh Salih al-Luhaydan, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Ubaid al-Jabiri. Ça, c'est juste quelques-uns. Parmi les ulama de Ahl al-Sunnah, les ulama qui ont défendu cette religion et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui combattent la bid'a et les égarements, et qui combattent le shirk et les bid'a et les sectes déviées, et qui protègent cette ummah dans les fitanes et dans les ténèbres de l'ignorance. Donc, apprenez les noms de ces savants, apprenez à les connaître, cherchez leurs cours, leurs durus, leurs livres. Ils ont des audios sur Internet, ils ont des sites sur Internet. Si vous passez juste, essayez d'étudier la science que ces savants-là ont laissée, juste ceux-là, toute votre vie ne sera pas suffisamment longue pour terminer à apprendre ce que ces savants-là ont enseigné. Et ça, c'est juste un petit nombre d'entre eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم